ADN Noisix. Je potouille la fin, le parc, tu mettre un coup à Nice. Sirop d'anis, liens de Khalis. On n'a pas croisé la police quand on a sorti le KX. Maillot de Napoli, faut qu'il coule les balis. Au volant, ça fait des ballons et ça fait passer des ballons. On crape dans la garilla, avec un barilla. Putain, qu'est-ce qu'on rie, que des conneries. J'fume la balle à la noix de coco, juste avant d'aller dodo. J'suis déçu, ouais, un poco. Dans mon cœur, ils ont fait bon. C'est grâce à nous. Et les histoires mafieux, moi je veux pas savoir. Je vous aime ma team, je suis bien que quand je suis face à vous. Elle s'en fout des sous, elle veut passer du temps avec moi. Elle me dit tu m'aimes, mais tu m'aimes pas plus que moi. Chaque fois que je la vois, j'ai le cœur rempli de joie. De joie, de joie, ouais, de joie, de joie, de joie. Et je m'en fous, je m'en vais. Rien à faire de toute façon, ils sont mauvais. Ils sont en feu, ouais, quand on est refait. Ils aiment pas les certifs, les trophées. Je suis dans un monde à part, je me prends. J'fume la balle à la noix de coco, juste avant d'aller dormir.